noblesse sous raison définitivement du mauvais sens. Du mauvais sens. Exigu, corrompu, abreuvoir au passé, avant le doute déjà loin. J'ai voulu être en dehors du temps, mais le présent n'a eu que faire de mes idées. S'éloigner du moment pour être dans le temps, s'écarter du message, il n'y a plus d'adéquation.